Goethe et les Illuminati. Bonsoir à tous. Je vais vous lire le travail que j'ai réalisé sur le lien entre le poète Goethe et les Illuminati. On va étudier l'histoire de la pensée illuministe à travers les époques, et plus particulièrement l'ordre des Illuminés de Bavière, dans son lien avec Goethe, le rapport à la franc-maçonnerie, à la philosophie allemande et à la société en général ayant été majeur. On tentera de rester dans l'analyse historique et de ne pas verser dans la spéculation sans fondement. Illuminati. Le terme d'Illuminati provient très certainement du latin illuminare, qui signifie éclairer. Au cours de l'histoire, nous retrouvons plusieurs ordres portant ce nom, les Illuminados ou Alumbrados d'Espagne, les Illuminés de Picardie, les Illuminés de Berlin, Bernetti, les Illuminés Martinistes, Élu Cohen, les Illuminés d'Avignon, les Illuminés de Bavière, puis au XIXe et XXe siècle, l'Illuminatenorden ou Ordo Illuminatorum, qui fut intégré à l'Otto, l'Ordo Templier Orientis. Nous pouvons également ajouter les Templiers, les Cathares à cette liste. Bien que n'ayant pas la même appellation, ils ont probablement eu leur rôle à jouer dans cette continuité historique. Leurs points communs sont une volonté d'élever l'âme humaine, de se libérer des carcans de l'Église, mais aussi l'étude de l'alchimie, de la gnose, et souvent, pour les ordres les plus tardifs, une organisation maçonnique. Ajoutons que la plupart ont été considérés comme hérétiques par l'Église. Ce terme regroupe donc plusieurs organisations temporelles à travers les époques, et un fil directeur les relie probablement. Les hommes meurent, mais les connaissances se transmettent et les projets se développent. Pour notre part, nous nous concentrerons davantage sur l'illuminisme allemand et ses rapports avec Goethe et la philosophie allemande. Adam Weishaupt, professeur de droit canon à Ingolstadt en Bavière, fonde en 1776 le Bund der Perfektibilisten, Société des Perfektibilistes, puis le renomme Illuminatenorden, Ordre des Illuminés, en 1778. Il prend pour pseudonyme Spartacus, en référence à ce chef militaire qui amena les esclaves à prendre les armes pour revendiquer leur liberté contre la République romaine. D'éducation jésuite, ils décident de reprendre leur méthode, mais pour poursuivre un but différent. D'après Mirabeau, qui était probablement un sympathisant de l'ordre, je cite, « Ils calquaient l'ordre de Jésus, mais en se proposant des vues diamétralement opposées. Ainsi, rien ne leur manquerait pour éclairer les hommes et les rendre heureux et libres. » Comme le premier nom de l'ordre l'indique, Weishaupt croit en la perfectibilité de la nature humaine. La doctrine exotérique de l'ordre est le perfectionnement de l'homme et la destruction des abus qui se sont introduits dans l'organisation sociale. L'ordre prêche l'égalité et la liberté, qui selon Weishaupt sont les droits essentiels que l'homme dans sa perfection originaire reçoit de la nature. Selon Stanislas de Gaïta, la doctrine ésotérique de Weishaupt est quant à elle de, je cite, « révéler le sens caché des doctrines du grand maître de Nazareth ». Il s'agit donc de Jésus. Voici ce que Weishaupt écrivait en 1788 dans son discours philosophique sur les frayeurs de la mort, je cite, « Mais toi, ami de l'humanité, père et législateur de ton peuple, dont les jours se sont écoulés dans l'innocence et dans l'exercice de la bienfaisance, qui a résisté ici-bas avec fermeté, au milieu de la tempête, à toutes les attaques que t'ont livrées les maux, plein de l'espérance de ton Dieu, en te reposant sur le témoignage de ta conscience. » Dans ce passage, il décrit le caractère de l'homme idéal. Mais une analogie est possible avec Jésus. Écoutons à présent Thomas Jefferson, dans une lettre qu'il écrivit le 31 janvier 1800 à l'évêque James Madison. Weishaupt semble être un philanthrope enthousiaste. Il compte parmi ceux qui croient en l'infinie perfectibilité de l'homme. Il pense que celui-ci peut, avec le temps, être rendu si parfait qu'il sera capable de se gouverner lui-même en toutes circonstances, autant que de ne jamais blesser, de faire tout le bien qu'il peut faire, de ne laisser au gouvernement aucune occasion d'exercer leur pouvoir sur lui, et naturellement de rendre inutiles les gouvernements politiques. Weishaupt pense que promouvoir cette perfection du caractère humain était le but du Christ, que son intention était seulement de restaurer la religion naturelle et de nous enseigner par la diffusion de la lumière de sa moralité comment nous gouverner nous-mêmes. Ses préceptes sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et en enseignant l'innocence de la conduite, il espérait placer les hommes dans leur état naturel de liberté et d'égalité. Il dit que personne, à l'exception de notre grand maître Jésus de Nazareth, n'a su jeter les fondations plus sûres pour la liberté. Les moyens qu'il propose pour réaliser cette amélioration de la nature humaine sont éclairer les hommes, corriger leur morale et les inspirer avec bienveillance. Sûr de notre succès, dit-il, nous nous abstenons de tout désordre violent. Fin de la citation. Weishaupt ne s'en prenait pas au trône et à l'autel, mais à leur instrumentalisation par le pouvoir politique. Toujours dans son discours philosophique, il écrivait « Ne confondons donc point le dieu des écoles avec ce dieu bienfaisant, ce père de la nature qui est tout amour, mais que les hommes ont représenté comme un dieu courroucé et vengeur. Il est évident que c'est la doctrine qu'a imposée le clergé qu'il critique, et non le principe de Dieu lui-même. Ainsi, Jésus était-il le premier grand maître Illuminatus de cette longue lignée historique, ou bien est-ce Weishaupt et ses disciples qu'il considérait comme tels? Toujours est-il que Weishaupt souhaitait le retour de la pure doctrine du Christ, débarrassée du dogme chrétien. On pourrait citer à ce propos cette ancienne règle de la Rose-Croix, se tenir en Christ, condamner le pape, vivre chrétiennement. Mais quelle serait cette doctrine secrète? En substance, il fallait distinguer dans l'enseignement de Jésus une partie ésotérique réservée au cercle étroit de ses familiers et une partie exotérique destinée à ceux qui sont dehors. Saint Jean-Baptiste et Simon le Mage étaient parmi les premiers gnostiques. Voici les principes essentiels de la pensée de Simon le Mage. La création du monde est l'œuvre d'un faux Dieu. Le vrai Dieu est inconnu de l'homme. Le monde n'est là que pour le séparer de lui. Pour Simon, le seul moyen pour l'homme de briser l'illusion du monde et d'atteindre à la plénitude est de vivre librement ses désirs. Le désir, sous toutes ses formes, est la seule part divine qui réside en l'homme. Il faut néanmoins généralement distinguer une gnose chrétienne, qui considère que tout homme est capable de percevoir Dieu en lui, de devenir lumière et donc d'obtenir la vie éternelle, et une gnose dualiste, gnosticisme, qui considère le corps et la vie terrestre comme une prison dont l'homme doit se libérer pour être sauvé. Revenons maintenant à l'Illuminaten Orden et à son évolution historique. Weishaupt, sous l'impulsion de son affilié Franz Xaver von Zweig, est reçu franc-maçon en 1777 dans la loge Zurbehutsamkeit à Munich. Il aurait écrit à un de ses affiliés « Je pars pour Munich et vais me faire recevoir maçon afin de cimenter une alliance entre eux et nous. » En 1778, il donne à son ordre le nom définitif d'Illuminaten Orden. Lors du convent maçonnique de Wilhelmsbad en 1782, l'ordre gagne du crédit. Les illuministes concluent très probablement une alliance avec les martinistes, eux-mêmes soutenus par Villermoz. Les Illuminati Bode et Knigge y jouent un rôle important. Parallèlement, l'Illuminatus Friedrich Ludwig Schröder réforme l'ancien système maçonnique en le remplaçant par son rite de Schröder, ou chapitre Engbund, système dans lequel tous les hauts grades sont supprimés et les cérémonies allégées de certains aspects chevaleresques. Knigge fait affilier un grand nombre de frères dans l'ordre, si bien que dans les 2 années qui suivent, celui-ci atteint presque 3000 membres. En 1783, Goethe est reçu dans l'ordre. En 1784, Knigge se brouille avec Weishaupt et quitte l'ordre. Le 22 juin 1784, l'électeur de Bavière Karl Théodore décide d'interdire par décret toutes les sociétés secrètes de Bavière. En 1785, les archives de l'ordre sont saisies, les membres arrêtés et interrogés. Weishaupt parvient à s'enfuir et se réfugie auprès du duc Ernest de Saxe-Gotha, lui-même probablement ancien affilié. Il devient son conseiller. L'Illuminaten Orden est dissous de facto en 1787, mais de juré, aucun décret formel de dissolution n'a jamais été produit. La préfecture n'a simplement plus de traces de leurs activités à partir de ce moment-là. L'ordre, qui a des relations avec plusieurs loges maçonniques, continue de propager ses idées en redoublant de précautions et de réserves. Bode continue à piloter l'ordre et à affilier des membres. En 1787, il rejoint l'arrière-loge des Philadelphes, souchée sur celle des Amis réunis. Il est décidé que le noyau secret des Philadelphes doit ressembler aux anciens Illuminaten et doit s'engager dans le processus révolutionnaire. Il raconte cela dans son journal de voyage. En 1790, il effectue une réforme de l'ordre et le renomme Deutsche Freimaurerbund, Union maçonnique allemande. À la mort de Bode en 1793, c'est l'Illuminatus Karl Leonhard Reinhold, philosophe autrichien, qui reprend le flambeau. Le nom de l'ordre est alors modifié en Bund der Einverständnisse ou Moralischen Bund der Einverstandenen, Alliance morale des dissidents, Federation of Truth and Friendship. Philippe Buonarroti, rousseauiste anciennement affilié aux Illuminés de Bavière, est arrêté comme robespierriste en 1795 et rencontre en prison François-Noël Babeuf, avec lequel il élabore une doctrine communiste, celle de la conjuration des égaux, dont le but est d'aboutir à la collectivisation des terres et des moyens de production pour obtenir la parfaite égalité et le bonheur commun. En 1808, il fusionne les Philadelphes de France, d'Italie et de Suisse pour former les Sublimes Maîtres Parfaits, Sublimi Maestri Perfetti, qui est une union de révolutionnaires européens. Dans sa structure, la société des Sublimes Maîtres Parfaits est semblable à celle de Weishaupt. Marc-Antoine Baudot, député à la Convention, insinuera d'ailleurs dans ses mémoires qu'il existe un lien entre le communisme de Babeuf et l'illuminisme de Weishaupt. En 1811, la loge des sublimes maîtres parfaits est dissoute par les autorités, mais il la réorganise en loge du triangle. Parallèlement à cela, les ex-Illuminati Herder, Goethe, Reinhold et Uffland contribuent de façon majeure à réformer la maçonnerie allemande. En Italie, des membres des Philalettes fondent les Carbonari, puis la Charbonnerie en France. L'Illuminatenorden est restauré et réorganisé en 1880 par Leopold Engel à Dresde, puis à nouveau en 1885 par Karl Kellner, autrichien, et Franz Hertmann, un théosophiste allemand qu'il renomme en, ou l'inclut dans, l'Ordo Templi Orientis, OTO, en français l'Ordre du Temple d'Orient. Theodor Reuss rejoint l'ordre peu après, il y fait rentrer Rudolf Steiner. Steiner est intéressant, son dogme est tout à fait similaire à celui de Weishaupt, puisqu'en substance, il faut faire connaître le vrai message du Christ, débarrassé du dogme religieux. Ancien secrétaire général de la Société de Théosophie allemande, il fonde l'Anthroposophie en 1913. Dans sa doctrine, Christ, l'esprit guide de la Terre, est venu sur Terre pour aider l'humanité à trouver l'équilibre entre les influences des dieux zoroastriens de la lumière et de l'obscurité, Lucifer et Ahriman. Le Christ est vu comme un pont entre ces deux principes. Ces deux opposés, la lumière liée à la connaissance et l'obscurité liée à l'action, sont joints ensemble par le principe de l'amour cosmique, rendant possible la transformation de la connaissance en action. Pour Steiner, l'Église a trahi sa mission et déformé le message de son fondateur, il faut maintenant la remplacer et renouveler le christianisme. Par ailleurs, et cela nous servira de transition pour la partie suivante, Steiner est un admirateur de Goethe. Pour preuve, il fait construire le Goethanum, qui est dès lors le siège de la Société Anthroposophique Universelle et de l'École Libre de Sciences de l'Esprit. Construit en pleine Première Guerre mondiale, les membres de 17 nations ennemies œuvrent pourtant ensemble à son édification, preuve parlante de la vocation universelle de cette société. Dans la salle de théâtre du bâtiment, on donne toujours aujourd'hui des représentations intégrales du Faust de Goethe, mais aussi certaines pièces d'Édouard Chouret. À l'intérieur du Goethe-Hanum se trouve une sculpture en bois, qui manifeste au centre le représentant de l'humanité luttant entre Lucifer et Ahriman pour les équilibrer. Ce combat se déroule à l'intérieur de chaque homme, qui a le choix de favoriser l'un ou les deux autres protagonistes par sa manière de vivre. À gauche est représentée la possibilité de victoire de Lucifer et Ahriman se rejoignant. En haut à gauche est représenté le regard du monde spirituel sur ce combat. Peut-être pouvons-nous rapprocher ce symbolisme de Faust dans lequel il est question, philosophiquement, d'une lutte entre l'esprit, l'âme et le démon. Goethe. À présent, penchons-nous sur la vie de ce brillant poète, philosophe, occultiste, mais aussi homme politique. Il entre en franc-maçonnerie en 1780 à la loge Amalia de Weimar, est admis au grade de maître le 2 mars 1782 et admis dans l'ordre de la stricte observance en décembre 1782. Son activité purement maçonnique ne dure pas longtemps puisque sa loge Amalia ferme ses portes à la suite de querelles intestines. À partir de 1808, il œuvrera néanmoins activement à la réouverture de la loge Amalia. La question qui se pose est comment Weishaupt, qui est un rationnel méprisant le mysticisme, a-t-il réussi à séduire Goethe, qui, bien qu'étant un esprit moderne, est un alchimiste dans l'âme? Eh bien, disons que Weishaupt sait y faire. Il a une méthode, apprise chez les jésuites, qui consiste à ne pas contrarier le futur affilié dans ses opinions, mais de l'amener lentement aux idées de l'ordre ou de s'en servir habilement si ses opinions sont absolument irréductibles. Dans son ouvrage Le véritable illuminé ou Les vrais rituels primitifs des illuminés, il écrit « Pour les juifs, je suis devenu juif, par quoi je les ai gagnés. Je suis devenu faible pour les faibles, afin de les gagner eux aussi. Pour tous, je suis devenu tout, afin de partout en sauver quelques-uns. » C'est de cette façon que Weishaupt réunit dans son ordre des hommes aux idées les plus disparates, et c'est probablement de cette manière qu'il agit avec Goethe. Mais ce dernier n'a pas dû être difficile à convaincre puisqu'il sera pendant longtemps l'amant de Louise de Hesse Darmstadt, elle-même parente avec le prince Frédéric de Hesse Darmstadt présent au convent de Wilhelmsbad en 1782. À ce même convent, Johann Joachim Christoph Bode, un des éditeurs et imprimeurs de Goethe, rencontre le baron Knigge, Illuminatus, qui le fait rentrer dans l'ordre. Johann Georg Schlosser, le beau-frère de Goethe, fait aussi partie de l'ordre. Admis dans l'Illuminatenorden en février 1783, Goethe atteint le rang de régent en 1784. Son alias est Abaris, en référence au personnage semi-légendaire de l'Antiquité, Abaris le Scythe ou Abaris l'Hyperboréen, occultiste, mage et pythagoricien au sens large du mot. Jeune, Goethe avait été initié à l'alchimie par Mademoiselle de Klettenberg, notamment par le biais de l'Opus Mago Cabalisticum et Theologicum de Georg von Welling. Il paraît qu'il avait cherché dans sa jeunesse la formule de l'élixir de vie. À présent, penchons-nous sur son Faust. Voici quelques passages qui font écho alternativement au rituel maçonnique en général, mais aussi à la pensée illuministe de Weishaupt. Le Seigneur. Il, Faust, me cherche dans l'obscurité et je veux bientôt le conduire à la lumière, ce qui est un des objectifs de la franc-maçonnerie et des illuministes. Faust. Suis-je moi-même un dieu? Tout me devient si clair. Être conscient de la part du divin en l'homme, soit la quête du Graal, et aussi celle de l'enseignement gnostique, même si la formule « être soi-même un dieu » semble exagérée. L'esprit apparaît dans la flamme de la connaissance, celle qui brûle continuellement sur le pupitre du vénérable dans une loge maçonnique. L'esprit, dans l'océan de la vie, je monte et je descends. Il s'agit ici de la transmutation des contraires, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ou encore la formule vitriol, ou encore le pendu du tarot, ou encore la correspondance entre le pavé mosaïque maçonnique et le cosmos de la voûte étoilée. Faust. Voilà une liqueur que je dois boire pieusement. Elle sera ma boisson dernière et je la consacre avec toute mon âme comme libation solennelle à l'aurore d'un jour plus beau. Il porte la coupe à sa bouche, son des cloches et chant des chœurs. Ceci fait penser à la coupe des libations lors de la cérémonie d'initiation maçonnique. Cœur des anges. Christ est ressuscité, joie aux mortels qui languit ici-bas dans les liens du vice et de l'iniquité. La coupe représente-t-elle le symbole du Saint-Calice dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ? Cœur des anges, Christ est ressuscité de la corruption. Ô vous qui les glorifiez par l'action et qui témoignez de lui par l'amour, voici le Maître qui vient, vous promettant les joies du ciel. Le Seigneur approche, il est ici. Ainsi on voit bien que Goethe nous présente le Christ comme étant successivement un Maître, puis le Seigneur, et non Dieu, Jéhovah, Yahvé. C'est donc le Christ qui va conduire Faust de l'obscurité à la lumière. Faust. Mon père était un obscur, honnête homme qui, d'après des recettes infinies, opérait la transfusion des contraires. Le père de Faust était donc un alchimiste. Nous aspirons à une révélation qui nulle part ne brille d'un éclat plus pur et plus beau que dans le Nouveau Testament. Une révélation d'un éclat pur, donc la plus pure des doctrines, dans le Nouveau Testament ? Il s'agit probablement, entre autres, de l'Évangile selon saint Jean. Faust. On frappe ? Entrez. Qui vient m'importuner encore ? Méphistophélès. C'est moi. Faust. Entrez. Méphistophélès. Tu dois le dire 3 fois. Faust. Entrez donc. Ici, ce qui est frappant, c'est qu'on raisonne par 3, comme dans les temples maçonniques. Or, Méphistophélès représente celui qui n'aime pas la lumière, qui est dans l'obscurité. Est-ce une analogie au récipiendaire, homme encore dominé par ses passions et plongé dans l'ignorance de la superstition, qui rentre et qui va à un moment recevoir la lumière, celle du dedans, en opposition avec le dehors, qui est représenté par la flamme disposée en loge maçonnique? Ces différents passages de Faust rappellent les rituels et les credos maçonniques. Finalement, être d'un caractère faustien, c'est être poussé par le désir de connaître le secret de la vie, d'ouvrir la porte des plus grands mystères. Faust vend son âme pour acquérir la connaissance. Méphistophélès lui offre de lui révéler les secrets de la création en échange de l'immortalité de son âme. Tous les francs-maçons sont donc par essence faustiens, de même que les Illuminati. Faust, et plus généralement l'œuvre de Goethe, influencera fortement entre autres le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique. Fait amusant, son grand-père, Carl Gustav Jung, affirmait être le fils illégitime de Goethe. Conclusion. Les Illuminati étaient souvent anticléricaux, révolutionnaires. L'illuminisme a principalement été l'émancipateur du christianisme primitif, ésotérique, ce qui n'est pas contradictoire avec un rejet des dogmes imposés par le clergé. Goethe était un illuminatus qui a réalisé des apports majeurs à la philosophie allemande, à l'esprit alchimique, mais aussi à la réforme de la maçonnerie allemande. Comprendre Faust, c'est comprendre l'illuminisme. Le fil conducteur entre les différents ordres temporels illuministes était à la fois, ou alternativement, l'enseignement gnostique, l'alchimie spirituelle et le fait d'avoir œuvré à l'émancipation de la connaissance du christianisme primitif. Aujourd'hui encore, la meilleure preuve de la continuité de cette tradition est peut-être que Lotho, l'Ordo Templi Orientis, qui rappelons-le a intégré en son sein l'Illuminatum Orden Reformé, possède au 8e degré les grades de parfait pontife des Illuminati et d'épopte des Illuminati. Les degrés rosicruciens de Lamarck, compris entre les 9 et 12e, sont aussi illuministes. D'autre part, peut-être certains ordres martinistes sont-ils aussi dépositaires de cette tradition, puisqu'on a vu qu'il y avait eu au moins une alliance avec les Illuminés de Bavière en 1782. En ce qui concerne la tradition gnostique, indiquons que l'auto supervise les activités de l'Église gnostique catholique, et que le 9e degré de l'auto est initié du sanctuaire de la gnose. Nous pouvons donc affirmer, bien qu'avec prudence, que la continuité illuministe historique est gnostique, et qu'elle trouve aujourd'hui sa continuité dans l'auto, dans Lamarck, et probablement dans certains ordres martinistes, puisque l'Église gnostique apostolique, émanation de l'Église gnostique catholique, est l'Église officielle du martinisme, depuis qu'un traité a été signé entre les deux organismes. Bien sûr, certains affirment que ces différents ordres n'ont rien en commun, mais ce sont juste, à mon avis, des détails insignifiants qui séparent leur philosophie ou doctrine officielle. Ces querelles sur des détails divisent les hommes au lieu de les rassembler, mais en substance, ces sociétés disent toujours la même chose. La quête gnostique est celle de l'esprit qui est le lieu de la présence du divin en l'homme. C'est au cœur de l'esprit que le secret du Graal doit être cherché. Découvre la pierre cachée au fond de toi, dit le vieil adage alchimique. Trouver la brèche qui permet de passer de ce monde d'apparence à celui de la réalité.